Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. L'homme singe. Une peinture magistrale de Darwin, notre grand-père singe, notre grand-mère Guenon, de la recherche de la paternité, aïeul simio humain, le petit chaperon rouge, perro naturaliste. Voici la peinture magistrale qu'en trace Darwin et qu'on ne saurait trop méditer. Les premiers ancêtres de l'homme étaient couverts de poils, les deux sexes portaient la barbe, leurs oreilles étaient pointues et mobiles, ils avaient une queue desservie par des muscles propres. Leurs pieds, à en juger par l'état du gros orteil, devaient être préhensibles, ils vivaient habituellement sur les arbres, dans quelques pays chauds, couverts de forêts. Les mâles avaient de grandes canines qui leur servaient d'armes formidables. Tout le reste à l'avenant. Que dites-vous de ce tableau? Quel coup d'œil d'ensemble? Quelle précision dans les détails? Rien n'est omis. Je ne nie pas qu'à la rigueur on ne pût rêver mieux en fait d'ancêtres, mais qu'importe, ce n'est pas vous qui rougirez de vos vieux parents par cela seul que le sort et la fortune leur auront été contraires. Laissons aux parvenus ces défaillances de cœur et ces trahisons de sentiments. Quant à moi, je me flatte de comprendre tout autrement le culte de la famille, et, s'il est vrai que notre grand-père fut un singe et notre grand-mère une guenon, qu'il reçoive ici le tendre hommage de ma sympathie et de mes respects. J'y mets toutefois, bien entendu, une condition, c'est que la parenté aura été parfaitement établie. La chose en vaut la peine, d'ailleurs, ce n'est pas là un de ces cas où la recherche de la paternité est interdite. Malheureusement, c'est ce dont Darwin se préoccupe le moins, on dirait même que chez lui la voix du sang a seul parlé, tant il s'abstient de donner la moindre preuve, il dit simplement. Ce sont, ses yeux, ses mains, c'est le même visage. Je le soupçonnerais également de s'être un peu trop souvenu d'un de ces délicieux contes qui, même au-delà du détroit, ont dû bercer son enfance, comme ils ont bercé la nôtre. Ainsi la description de notre ancêtre simio-humain, comme il l'appelle quelquefois, de simius, singe, ressemble très, pour très au signalement du loup, déguisé en mère grand, dans le petit chaperon rouge. Il est vrai que Perrault mérite de compter parmi les naturalistes de l'école de Darwin, la plupart de ses métamorphoses, celles, entre autres, où l'ogre se change en lion, puis en souris, à l'instigation du chat botté, rivalise avec les plus belles conceptions du maître. Quoi qu'il en soit, nous voilà suffisamment renseignés sur ce qu'on peut appeler notre état civil, nous descendons du singe. Classe de singe à laquelle nous appartenons. Singe connu des anciens, découvert des singes anthropomorphes, il se divise en catarrhins et platyrrhins, nous descendons des catarrhins, probablement des chimpanzés, notre généalogie d'après quelle. C'est déjà un grand pas de fait que de savoir qu'un singe fut notre aïeul, mais il ne serait pas mal non plus que Darwin nous fît connaître la classe de singes à laquelle nous appartenons. Cette question, comme toutes celles du reste qui regardent ces rapprochements entre l'homme et le singe, est d'autant plus de son ressort que c'est une question toute moderne, l'Antiquité n'ayant pu avoir aucune idée de ce genre de parenté. En voici le motif. Les anciens ne connaissaient que trois espèces de singes. La première espèce, Bifacus d'Aristote, est le singe commun de l'Afrique septentrionale, que l'on apportait fréquemment en Grèce, comme on en amène aujourd'hui en Europe pour les exercices de la rue ou les exhibitions foraines. La seconde espèce est le cébus ou sapajou, qui est très commun sur la côte de Barbarie, et se fait remarquer par sa longue queue et son museau pointu. Enfin la troisième espèce est le babouin ou singe à tête de chien, cynocéphale, qu'on voit si souvent représenté sur les vieux monuments d'Égypte. Or, aucun de ces singes ne possède rien qui rappelle les traits de l'homme. Ainsi s'explique comment les anciens ont dû ignorer l'homme singe. Mais, lorsque la découverte du passage aux Indes orientales par le caput apprit qu'il existait, dans l'Inde et sur la côte d'Afrique, d'autres espèces de singes bien supérieures à celles qu'on avait connues jusqu'alors, on ne fut pas médiocrement étonné de voir que ces nouveaux singes offraient certaines ressemblances avec l'homme. Cette ressemblance parut surtout très marquée chez l'orang-outan de Bornéo et le chimpanzé de la côte de Guinée, aussi s'empressa-t-on de leur donner le titre de singe anthropomorphe, de homme, et forme. Enfin l'assimilation sembla complète quand on eut découvert une troisième espèce de singe, étroitement liée aux précédentes, le gorille. C'est alors que l'on commença à prononcer le nom d'homme singe. Note. Il n'est point prouvé pour moi cependant que les anciens n'aient pas connu le gorille. Ainsi Anon parle d'une espèce d'homme, petits évolus, incapables de parler d'un caractère, sauvage et indomptable, dont le signalement me paraît s'appliquer à cette variété de singes. Mais Anon n'y voyait qu'une race particulière d'hommes, et il n'a pas songé un instant à en faire un composé mixte d'hommes et de singes, car le mot singe n'est même pas prononcé. Fin de la note. Dès l'instant donc où Darwin a tenu à ce que nous descendissions d'un singe, l'espèce était toute trouvée, ce singe ne pouvait être qu'un singe anthropomorphe. Cette espèce de singe est désignée encore sous le nom de singe catarin, année effilée, ou de l'ancien monde, pour les distinguer des singes platyrins, année épatée, ou du nouveau monde. Il existe, de plus, entre ces deux ordres de singes, une différence assez tranchée dans la dentition. Les premiers possèdent, comme l'homme, 10 dents molaires à chaque mâchoire, les seconds, au contraire, en possèdent 12, nouveau motif pour nous ranger dans la catégorie des premiers. Restait un dernier point à élucider, et ce n'était pas le moins important, celui de savoir quelle est, parmi les singes anthropomorphes, la variété d'où nous procédons. Ici, la question s'embrouille quelque peu, même dans l'esprit de Darwin. Il est assez difficile, avoue-t-il, de décider si l'homme descend de quelque espèce comparativement petite comme le chimpanzé, ou d'une aussi puissante que le gorille. Toutefois, comme un animal grand et féroce comme le gorille, pouvant par conséquent se défendre contre tout ennemi, serait probablement devenu moins sociable et aurait inspiré moins de sympathie à d'égard à ses semblables. Il y a eu avantage pour l'homme à devoir son origine à un être comparativement faible, tel que le chimpanzé. J'en demande bien pardon à Darwin, mais les raisons qu'il invoque ici pour motiver son choix me paraissent très contestables. Ne perdons pas de vue que les singes sont de leur nature très querelleurs, sous ce rapport, leur descendance, si tant est que nous méritions ce titre, un peu dégénéré. Or, la crainte inspirée par la force est le plus puissant porte-respect, si même ce n'est le seul, surtout pour les sociétés qui commencent, l'affection vient plus tard, quand elle doit venir. Je crois donc, tout bien pesé, qu'il y eût eu plus d'avantages pour l'homme à descendre du gorille. Telle est du reste l'opinion de Haeckel, Il semble même avoir eu à cet égard des renseignements tout particuliers, car voici comment il s'exprime. La monère, cette cellule originaire de tout ce qui a vie, après avoir traversé, en se transformant, une vingtaine d'étapes d'existence animale, est devenue prosimia ou demi-singe. De prosimia, menocerca ou singe à queue. De menocerca, singe anthropoïde, comme le gorille. De singe anthropoïde, singe homme, et enfin de singe homme, l'homme. Mais ce sont là des questions de détail qui, tout intéressantes qu'elles puissent être, s'effacent devant le grand fait de l'origine de notre espèce. Nous venons de le voir, un singe fut votre aïeul. Prenons-en acte et recueillons-nous, car c'est le cas ou jamais de nous appliquer la maxime antique. Connais-toi toi-même. Comment le singe est devenu homme? Le changement fut graduel, la réforme commença par les dents. Preuve tirée du rire, singe chevaleresque, deux mains devenues deux pieds, origine de la station verticale, les dents font disparaître la queue. Toinette de Molière. Les oreilles se transforment, la peau devient glabre, notre aïeul épilé ou tendu. Ce changement du singe en homme ne s'est pas opéré tout d'un coup, comme par la baguette d'un enchanteur, cela est fort heureux, car la réciproque serait partout à redouter. Voyez donc si, nous étant couchés hommes, nous allions, quelque beau matin nous réveiller singes, mais, je le répète, nous pouvons être tranquilles à cet égard. C'est Darwin lui-même qui va nous rassurer, en nous indiquant par quelle nuance insensible a eu lieu la métamorphose. La chose, tout d'abord, paraît quelque peu compliquée. Ainsi, nous venons de voir que notre aïeul avait des oreilles pointues et mobiles, quatre mains, une queue, de longs poils, certains croquets et autres particularités ou enjolivements qui font complètement défaut à notre espèce. Comment tout cela s'est-il modifié? D'après Darwin, la réforme aurait commencé par les dents, et il l'explique de la manière que voici. Les formidables canines dont les mâles étaient pourvus leur aidaient à se défendre et au besoin à attaquer, mais il arriva une époque où, s'étant graduellement habitué à se servir de pierres, de massues et autres armes, ils employèrent de moins en moins leurs mâchoires et leurs dents. Il en résulta que dents et mâchoires se réduisirent jusqu'à ce qu'elles fussent ramenées aux proportions qu'elles ont actuellement. Ainsi s'exprime Darwin. Surtout ne riez pas, car il verrait dans votre rire même un argument de plus en faveur de sa thèse. C'est que, dit-il, pour donner à votre physionomie une expression ironique, vous contractez inconsciemment vos muscles élévateurs, snarling muscles de sœur Belle, révélant ainsi votre propre ligne de filiation, puisque vous découvrez vos dents, toutes prêtes à l'action, comme le chien qui se dispose à combattre. Par exemple, voilà une drôle de manière de rire, et, si c'est ainsi que rit Darwin, je ne lui en fais pas mon compliment, mais continuons. Nous venons de voir que les formidables canines qui garnissaient les mâchoires de nos aïeux constituaient primitivement l'arme particulière au mâle. Pourquoi, demanderez-vous, les femelles en étaient-elles dépourvues? Je serais d'autant plus curieux d'en connaître la raison qu'elles aussi devaient pourvoir à leur défense. Sans doute les mâles, obéissant à un sentiment que par anticipation j'appellerais chevaleresque, se chargeaient volontiers de ce soin, mais ils n'étaient pas toujours au logis, ce logis n'étant le plus souvent qu'un tronc ou une branche d'arbre. Qui donc, eux absents, devaient garantir leur tendre moitié des injures et même des outrages. Mais abstenons-nous de réflexion, elle nous ferait perdre de vue la série de changements que le singe dut subir pour devenir homme, et que nous avons tant intérêt à connaître. Contentons-nous donc d'enregistrer ces changements, dans l'ordre indiqué par Darwin. Nous avons dit que la réforme des dents fut la première. Cette réforme amena forcément celle des mains. Darwin va nous en donner la raison. Tant que nos ancêtres vécurent dans les arbres, leurs mains, façonnées surtout pour grimper, représentaient des espèces de crochets de préhension. Mais lorsque, renonçant à se servir de leurs dents comme des carnassiers, ils se furent accoutumés à fabriquer leurs armes, ces pratiques, par la tension et le soin qu'elles réclamaient, déterminèrent dans leurs mains des changements très notables. Ces changements, les voici. D'abord les mains supérieures, originairement si maladroites, acquirent de jour en jour une plus grande habileté, jusqu'à ce qu'elle devinsse cet admirable instrument qui devait assurer à l'homme la domination de l'univers. Quant aux mains inférieures, à mesure que les mouvements de plus en plus répétés du tronc obligèrent de prendre un point d'appui sur le sol, elles s'indurèrent par leur face palmaire, et leurs articulations perdirent de leur flexibilité. Il arriva ainsi un moment où la peau qui recouvrait ces parties devint épaisse et résistante et où le gros orteil cessa d'être opposable. Dès lors, ce ne furent plus des mains, ce furent des pieds. Et la station verticale, comment fut-elle substituée à la marche à quatre pattes? Toujours par le fait de la réforme des dents, laissons encore parler Darwin. À mesure, dit-il, que nos ancêtres, cessant d'user de leurs dents comme armes, se redressèrent chaque jour davantage pour mieux lancer les pierres et manier avec plus d'aisance la massue et la fronde, il en résulta pour eux l'habitude de se tenir de plus en plus ferme sur leurs pieds. C'est à cette habitude, devenue chaque jour plus familière, qu'ils durent de devenir bipèdes. Mais la fameuse queue, comment disparut-elle? Ce fut encore là une affaire de dentition. Pour le coup, vous écrirez-vous peut-être, voilà qui devient par trop fort. Les dents sont donc pour Darwin ce que le poumon était pour Toinette dans la scène du malade imaginaire. Précisément. Jugez-en plus tôt. Lorsque, dit-il, nos ancêtres simio-humains eurent substitué aux dents, c'est bien cela, des armes plus complètes, ils n'allèrent plus chercher dans les arbres un refuge contre leurs ennemis qu'ils pouvaient attendre et combattre de pied ferme. Aussi leur queue, qui leur servait surtout, en s'enroulant autour des branches, à prendre leur élan, s'atrophia peu à peu par défaut d'action et fut ainsi ramenée aux proportions d'un simple coccyx. Voilà donc la métamorphose du singe en excellente voie. Patience, Darwin l'aura bientôt complétée. Savez-vous, par exemple, par quel mécanisme il explique que nos aïeux virent leurs oreilles perdre leur excès de longueur et leur mobilité? La chose est bien simple, c'est que, dès l'instant où ils régnèrent en maître sur les autres espèces animales, et que leur autorité ne fut plus contestée, ils cessèrent d'être sur un éternel qui-vive. Non seulement les jours se passèrent sans alerte, mais même, pour employer un terme familier, ils purent dormir la nuit sur leurs deux oreilles, celles-ci alors, n'étant plus constamment dressées, arrectis horribus, s'atrophièrent comme leur queue pour devenir ce que nous les voyons aujourd'hui. Enfin, nous n'avons pas oublié que nos grands-parents avaient le corps tout couvert de poils. Comment expliquer la nudité actuelle de notre peau? À cet égard, Darwin imagine plutôt des hypothèses un peu vagues qu'il ne donne des solutions. Voici, en effet, comment il s'exprime. L'homme n'est pas le seul animal qui soit nu. Les baleines et l'hippopotame le sont presque autant que lui. Il est vrai que leur peau est protégée par un revêtement épais de lard qui remplit le même but que la fourrure des phoques et des loutres. Mais les éléphants et les rhinocéros, dont la peau est également glabre, n'ont pas cette protection contre le froid. Seulement, comme certaines espèces éteintes, qui vivaient autrefois sous un climat arctique, étaient alors couvertes d'une longue laine ou de poils. Il semblerait que les espèces actuelles des deux genres ont perdu leur revêtement pileux sous l'influence de la chaleur. Darwin se demande alors si c'est que l'homme aurait perdu le sien pour avoir primitivement habité un pays tropical. Cette question, il paraît tout d'abord disposé à la résoudre par l'affirmative. Puis il se ravise, pour cette raison surtout que les singes actuels, quoique habitant diverses régions chaudes, sont couverts de poils. Ce qui est fortement contraire à la supposition que l'homme ait été dénudé par l'action du soleil. Voici, en définitive, l'opinion à laquelle il croit devoir s'arrêter. « Je suis, dit-il, tout disposé à croire que l'homme, ou plutôt la femme primitive, a dû se dépouiller de son revêtement pileux dans un but d'ornementation. » À la bonne heure j'aime mieux cela. Ce petit grain de coquetterie chez notre aïeul est d'autant plus excusable que, l'eût-elle voulu, elle ne pouvait chercher à plaire à aucun autre qu'à son mari, puisqu'ils étaient les deux premiers de leur race. Seulement, pauvre femme, quel mal elle dut se donner. Car ce n'était pas une médiocre besogne que de s'épiler ainsi tout le corps. Peut-être cependant existait-il déjà quelques-unes de ces pattes ou poudres, comme nous en voyons tous les jours annoncées dans le même but, bien que plus restreint, l'exhaussement du front. J'inclinerais plutôt à penser qu'à ces époques primordiales on se contentait tout simplement de quelques procédés analogues à celui qu'emploient ces artistes en plein vent dont l'enseigne porte stéréotypée ces mots sacramentels. Ton les chiens et, va-t'en ville. Confère Balzac, Dictionnaire des enseignes de Paris. Mais, même en supposant notre aïeul ainsi tondu, les bénéfices de l'opération n'auraient pu profiter qu'à elle seule, et nullement à sa descendance, qui eût continué de naître avec cet éguement pileux, absolument comme naît avec ses deux bras un fils dont le père était manchot, avec ses deux yeux un fils dont le père était borgne. C'eût donc été sans cesse à recommencer, et par suite le problème, posé par Darwin, de la nudité de notre peau, attend encore une solution. Cette solution, du reste, ainsi que toutes les autres du même genre, c'est à Darwin et non à moi qu'il incombe de la chercher. Qu'il me suffise donc d'avoir donné la clé de son système, et indiqué par quelle série de mutations le singe s'est transformé en homme. Comme les détails qui précèdent sont tellement incroyables qu'on pourrait supposer qu'ils sont faits à plaisir, je crois devoir rappeler que cette description de l'homme singe et des changements subis par le singe pour devenir homme est empruntée en entier au livre de Darwin sur la descendance de l'homme. N'est-ce pas plutôt l'homme qui est devenu singe? Critique du système de Darwin, le mien en est l'opposé. Comment j'explique que l'homme devint quadrupède, puis quadrumane, mécanisme de la formation de ses crocs, de rallongement de ses oreilles, de la production d'une fourrure, d'une queue ornée de callosités, en quoi l'avantage me reste? Quelque satisfaisante que puisse paraître la théorie de Darwin, il est cependant un reproche que je me permettrai de lui adresser. C'est celui-ci. Le singe, pour devenir homme, est obligé de subir certaines mutilations qui, tout en s'effectuant graduellement et sans secousse, n'en sont pas moins étranges. Ainsi, il a fallu lui retrancher la queue, lui raccourcir les oreilles, lui rogner les dents et lui supprimer 2 mains sur 4, c'est beaucoup, mais, chose bien plus grave, c'est donner à entendre que la nature a dépassé le but, puisque, pour créer un second être, elle se voit forcée d'émonder le premier. Le reproche, comme on le voit, est sérieux. Pourquoi aussi Darwin n'a-t-il pas interverti les rôles? Je veux dire, ne fait-il pas plutôt descendre le singe de l'homme que l'homme du singe? Avec ce simple changement, tout se concilie, tout s'enchaîne, tout s'explique, il évite de plus à la nature un véritable pas de clair. Ce qu'il n'a pas fait, je vais le tenter moi-même, et cela, en me contentant de copier ses procédés. Puissais-je ne pas me montrer trop indigne de mon modèle? Je suppose donc, puisque Darwin rejette l'hypothèse d'une création directe, que c'est le singe qui descend de l'homme, et voici comment je comprends qu'est dû se faire la transformation. Un mauvais sujet, comme il y en a eu à toutes les époques, même les plus primitives, ayant commis un crime, s'est réfugié dans une forêt pour se soustraire à la vindicte des lois. Vainement on l'a poursuivi, il a échappé à toutes les recherches, mais, traqué comme une bête fauve, il mènera désormais la plus misérable des existences. Vous voyez déjà quelles en seront les conséquences pour son organisation corporelle. Tantôt, pour se cacher, il rampe dans des cavernes ou se tient blotti sous des broussailles, ce qui, à la longue, lui courbe l'épine dorsale et lui fait perdre l'attitude verticale, pour l'obliger à marcher à 4 pattes. Le voilà devenu quadrupède. D'autres fois, il cherche un refuge dans les arbres, mais alors, à force de grimper et de s'accrocher aux branches, ses pieds se courbent, le pouce devenant opposable, il ne tarde pas à se changer en main. Le voilà devenu quadrumane. Comment se nourrira-t-il? Je ne lui vois d'autre ressource que de s'attaquer aux animaux eux-mêmes pour en faire sa pâture, en usant des mêmes armes dont ceux-ci se serviront pour se défendre, à savoir les dents et les mâchoires. Il arrivera donc un moment où, par le fait de ses luttes et de ses combats, ses canines représenteront de formidables crocs. Mais il ne pourra se soustraire à tant d'ennemis que grâce à une extrême vigilance, de là l'obligation pour lui d'être constamment aux aguets. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que ses oreilles s'allongent pour percevoir les moindres bruits, et deviennent mobiles pour mieux les recueillir. On comprendra de même que, privé de vêtements et souvent d'abri, son corps devra se recouvrir d'une sorte de fourrure, pour se garantir du froid. Il suffira pour cela de se rappeler cette remarque d'Owen, citée par Darwin, que les éléphants qui, dans l'Inde, habitent des districts élevés et frais, sont plus velus que ceux qui résident dans des pays plus bas. Enfin, comment ne pas admettre qu'à force de se tenir assis, comme un chien sur sa queue, attitude si favorable pour le repos comme pour l'observation à distance, il en résultera une irritation du coccyx devant nécessairement aboutir à la formation d'un appendice caudal? Songez donc que le coccyx, chez l'homme, n'est autre qu'une queue rudimentaire, on y trouve, en miniature, tous les osselets dont se compose cet organe. Il suffira, par conséquent, que ceux-ci grandissent et s'allongent pour devenir une queue véritable. C'est l'histoire d'une lorgnette qu'on tenait fermée dans son étui, puis dont on développe les pièces pour l'accommoder aux exigences de la vision. Il y aura, de plus, cette particularité que la queue, par le frottement sur le sol des surfaces où elle s'implante, ne tardera pas à s'enjoliver des callosités qui, chez le singe, en constituent l'auréole. Eh bien, que dites-vous de tout cela? Il me semble que voilà un personnage assez bien réussi. Je me flatte même d'avoir sur Darwin cet avantage capital que je n'ai rien corrigé du plan primitif de la nature, je l'ai simplement retouché. Changement en singe de la population de toute une île. Ovid donne raison à mon système, l'île de Pithécuse, ses habitants changés en singes, détails et réflexions. Je feuilletais dernièrement les métamorphoses d'Ovid, lorsque le hasard m'a fait tomber sur un passage qui m'a fourni la preuve que ce n'est pas l'homme qui descend du singe, mais bien le singe qui descend de l'homme. Ainsi le poète parle d'une île dont Jupiter aurait changé la population tout entière en singe, comme punition de ses crimes. C'est, dit-il, l'île de Pithécuse, aux collines stériles, dont le nom rappelle celui de ses habitants. Effectivement, Pithécuse, du mot grec pithikos, signifie singe, cette île est située dans le golfe de Naples, et se nomme aujourd'hui Ischia. Chose bizarre, j'ai visité plusieurs fois l'île d'Ischia à cause de ses importantes sources minérales, je l'ai même décrite assez au long dans mon guide aux eaux, en indiquant qu'elle s'appelait autrefois Pithécuse, or, ni ce nom, ni aucune tradition dans l'île, ne m'avait mis sur la voie du grand événement rapporté par Ovid. C'est que, d'abord, la population actuelle n'offre plus dans ses traits rien qui ressemble aux singes, c'est que, de plus, elle a tout intérêt à faire oublier le châtiment infligé autrefois par Jupiter à ses ancêtres. Ce châtiment, voici comment Ovid le raconte. Leurs bras, dit-il, commencèrent à se hérisser de poils noirs, leurs mains se courbèrent et leurs ongles s'allongèrent en griffes, de manière à représenter des pieds. Jupiter aplatit de même leur nez, sillonna de rides leur visage et, comme ils ne s'étaient servis de la parole que pour le parjure, il les en priva, ne leur laissant, dit le poète, qu'un cri rauque pour se plaindre. Voyons, n'ai-je pas eu raison de dire qu'Ovid donnait pleinement gain de cause à mon système? Remarquez en effet qu'ici c'est bien l'homme qui se change en singe, et non le singe qui se change en homme. J'ai même vainement cherché dans le même poète aucun exemple de ce dernier genre de métamorphose. Ainsi se trouve confirmée ma théorie, et la joie que j'en ressens tempère un peu mes regrets de ce que, la priorité en revenant à Ovid, je n'ai pas le droit de la signer de mon nom. De l'éléphant et autres aïeux possibles de l'homme. Transformation de l'éléphant. Comment sa trompe se change en nez, ses défenses en dents, réduction du volume de ses jambes, suppression de sa queue, éléphant ayant avalé un rossignol, l'homme-chien, le singe a pour lui l'opinion, locution qui le prouve. Si Darwin n'avait pas pris l'initiative de notre parenté avec le singe, et que, par conséquent, j'eusse été libre dans mon choix, j'aurais probablement songé à l'éléphant comme aïeul de l'homme, à cause de son remarquable développement intellectuel. Mais, direz-vous peut-être, il y a autre chose chez lui de non moins développé que l'intelligence, c'est le corps. Comment en réduire assez les proportions pour les ramener aux nôtres? Laissez-moi faire, vous allez voir que, grâce au procédé de Darwin, rien ne sera plus simple. Supposez, par exemple, que l'éléphant s'accoutume à se servir directement de sa bouche, au lieu de sa trompe, pour saisir les objets, celle-ci, dépossédée de ses fonctions d'organes intermédiaires, perdra graduellement de sa longueur et de son diamètre pour devenir un nez très présentable. Il en sera de même de ses défenses, qui rappellent si bien les formidables canines dont Darwin gratifie nos aïeux, dès l'instant où vous lui aurez appris les usages de la bouche. Vous supprimerez la déglutition gloutonne pour la remplacer par une mastication régulière, à dater de ce moment, le jeu des lèvres, le rallongement pour boire, et les mouvements de la langue pour bien lier les aliments, exerceront sur les défenses une pression continue et douce qui les ramènera bientôt aux proportions de dents ordinaires. Il n'y aura pas plus de difficultés pour les jambes, dont nous réduirons le volume, comme nous le réduisons dans la maladie appelée précisément éléphantiasis. L'obstacle viendrait-il de la queue? Mais elle n'existe autant dire qu'à l'état de soupçon, rien de plus simple, par conséquent, que d'en faire rentrer les anneaux dans l'organe et d'en effacer ainsi jusqu'aux vestiges, il suffira pour cela de l'immobiliser. Surtout respectez l'œil, il est petit, sans doute, mais quelle finesse et quelle placidité dans le regard. Je ne nie pas que l'ampleur de l'abdomen ne menace d'opposer quelque résistance, mais on sait à quoi s'en tenir aujourd'hui sur ces fameuses tailles de guêpe, qu'on n'obtient en général qu'au prix de la déformation du foie, de la compression de l'estomac et de la gêne apportée au jeu de la poitrine. Mieux vaut encore, en fait d'exagération, un peu trop de cette bonne rotondité, qui est, au contraire, si parfaitement compatible avec le fonctionnement régulier de nos organes. D'ailleurs, qui donc, parmi les personnes sensées, songera jamais à vous reprocher votre corpulence? On y trouverait au besoin motif à compliment, témoin cette définition, d'une touche si charmante, que Madame de Girardin avait donnée de la célèbre cantatrice Alboni, c'est un éléphant qui a avalé un rossignol. Je trouvais donc, dans ce noble animal, toutes les conditions désirables pour en faire notre ancêtre. Plus tard, il est vrai, mes idées se sont un peu modifiées, c'est quand j'ai eu visité l'homme-chien, qui a été l'objet à Paris d'une si bruyante exhibition, il semblait effectivement y avoir la l'étoffe d'un aïeul. Mais je ne m'en suis pas occupé davantage, car, à la réflexion, je n'ai vu dans cette ressemblance avec l'homme qu'une anomalie fortuite et bizarre, tandis que l'éléphant nous offre des caractères permanents et typiques. Note. Ces sortes d'anomalies sont loin d'être rares. Ainsi Édouard Lambert est resté célèbre sous le nom de Lambert Porc-épique. Né en 1717 de parents parfaitement sains, il ne présenta rien de remarquable pendant les 9 premières semaines qui suivirent sa naissance. À cette époque, sa peau commença à brunir et à s'épaissir de plus en plus. À 14 ans, il fut présenté à la Société Royale de Londres et voici ce qui fut constaté. Le visage, la paume des mains et la plante des pieds n'offraient chez lui rien d'anormal, mais tout le reste du corps était couvert d'une carapace brunâtre, épaisse d'un pouce et plus, irrégulièrement fendillée et qui, sur les flancs, était divisée de manière à figurer grossièrement les piquants d'un porc-épique, d'où son surnom. Tous les ans, cette carapace tombait par suite d'une sorte de mue, la peau paraissait saine et lisse, mais bientôt elle reprenait son étrange enveloppe. Lambert était du reste très gai et parfaitement portant. Il se maria et eut 6 enfants qui tous présentèrent ces mêmes piquants vers la peau, Malheureusement, les renseignements manquent sur ce qu'est devenu plus tard cette intéressante famille. Fin de la note. Est-ce à dire que je me flatte de supplanter Darwin en substituant mon éléphant à son singe? Loin de moi cette prétention, j'ai voulu seulement faire, à titre d'essai, une nouvelle application de son système. D'ailleurs, je connais trop les tendances de l'opinion en faveur de la race simienne pour chercher à la détrôner. Il est même tellement reçu aujourd'hui que cette race l'emporte sur la nôtre par les ressources de son esprit que, quand on compare les deux races entre elles, c'est toujours au singe qu'on attribue le beau rôle. N'entendez-vous pas, à tout instant, des propos de ce genre, fin comme un singe, malin comme un singe, rusé comme un singe? Il est vrai que l'expression, de vieux singe, lancée sous forme d'apostrophe, a quelque chose de moins flatteur. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNFFR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.